عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قد انتهينا من الفعل الماضي. طيب، عندك محمد، إذا قلت لك أمي إلى المستشفى، أكمل هذه الجملة بوضع الفعل. أمي ذهبت إلى المستشفى. très bien، أحسن، بارك الله فيك. Si je te dis أخي إلى المطار، tu diras أمي إلى المطار. Tu mets un verbe. Ah, je mets un verbe. Frère. Viens محمد ici. ذهبت. ذهبت، أحسن. طيب. Et juste, c'est pas une bab de critique. Avant que vous arriviez, on a dit quoi? À partir de demain, le dars. Peut-être vous l'avez compris comme ça, c'est pas à 8h30. Hein? C'est ceux qui mangent. Ils mangent. Dès qu'ils ont fini, ils viennent tout de suite. Taïb, Inch'Allah. Voilà. C'est-à-dire, si vous avez fini en mangeant 5 minutes, ben le dars, il est à 8h05. Il est à 8h05, il n'y a pas de mal. Taïb, Inch'Allah. Et respectez ceux qui sont mariés, car certains, ils veulent rentrer tôt. Taïb, t'as dit quoi, Allah Hadak Adaoud? Akhi, j'ai dit, hein? Ou Akhi? Oumi. Akhi. Oumi. Non, Oumi, c'est lui qui l'a dit. Ah, ذهب أخي إلى المطار. طيب. أ إلى المدرسة يا عائشة. أ الاستفهامية. إلى المدرسة يا عائشة. تجرا. ذهبت. très bien، أحسنت. إلى المدرسة يا عائشة. إلى المدرسة. c'est possible. non. أحسنت. طيب. نحن إلى الملعب. نحن ذهبنا. نحن ذهبنا إلى الملعب. très bien. أين بعد الدرس يا إخوان؟ أين؟ غيان؟ أين؟ أنا أصلاً الله يحفظك. أين بعد الدرس يا إخوان؟ كوز دي يا إخوان، يسون لا لي فخير أو يسون با لا؟ يسون لا، سي با بوسي جابيل دي فخير نون بريزون. إي أون أفي دي إن فايدة، سوفون المنادى، تو أبيل كالكان دو بريزون، هذا هو الأصل. تا كومبري؟ سي سا على لا باز. سينون يا با، تو دي يا الله، الله إلي با دوفون توا. مفهوم؟ الله يبارك فيك. طيب كما طيب احسنت. اين كوا يا اخوان كو tu dis يا اخوان ils sont les frères là ils sont où là c'est dire devant toi voilà alors tu diras quoi اين ذهبوا يا اخوان اين ذهبتم prends le parcours inchallah طيب pas de mal بارك الله فيك طيب أنا ما إلى المكتباتية اليوم. أنا ما ذهبت إلى المكتباتية اليوم. très bien بارك الله فيك. طيب. أ لزيارة خالتكن يا بنات. ذهبتن لزيارة خالتكن يا بنات. أحسن بارك الله فيك. أخواتي إلى الكلية. très bien أخواتي ذهبنا إلى الكلية. جزاك الله خير. Ça c'était le verbe dhahaba. On va faire pour donner le haq au frère. Al-adhan ya Muhammad. Répète. Asami'at al-adhan ya Muhammad. Très bien. Nahnu kurat as-salla al-yawm. La'abna. Nahnu kurat as-sallati al-yawm. Très bien. C'est à toi, c'est ok. T'as fait une erreur sur ça en plus. Très bien. Arasalti. Komsani. Ou Manadili. Ya Omi. Très bien. T'as bismillah les frères. T'as Amel Mayali, grand 3. Ma'amana t'as Amel. Regardez attentivement. Très bien. T'as Amel Mayali. Ad-dars al-thalith. Taïb. Là, alhamdoulilah, il va quoi? Il va décortiller le verbe dhahaba. Taïb, dhahaba, il vous met quoi? Yusawi fi'l. Taïb, ça veut dire toi, si tu veux faire l'i'rab, profite de ça. Taïb, il te dit dhahaba fi'l. Taïb, yusawi fi'l. Zaïd, dhamir, mustatir. Pourquoi il dit sawi ici? Ça veut dire il a dit zaïd, dhamir, mustatir. Yusawi fa'l. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que tout verbe avait besoin d'un fa'l. Kul fi'l, la boud min fa'l. C'est pour ça, même si tu as dahaba, automatiquement tu dis quoi? Al fa'il damir mustatir. Ma wa hada damir? Houa. Ahsan. Taïb? Barakallahu fik. Taïb, dahabu, dahaba, yusawi fi'il. Taïb, زائد الواو يساوي الفاعل. C'est compris, Inch'Allah. Et ça, le alif ici, ça fait partie de quoi? Al-huruf alati tuktab wa la tuntaq. C'est-à-dire, ça s'écrit, mais ça se prononce pas. Taïb, Inch'Allah. Dhahabat, on a le verbe dhahaba, yusawi fi'al. Zaid ta, yusawi alamat ta'anith. Alama, c'est-à-dire signe, ta'anith, féminité, si tu veux traduire mot par mot. Taïb. Zaid dhamir amustatir. C'est-à-dire, ici, ne fais pas l'erreur. Quand tu feras l'i'rab, tu dis pas dhahabat. ذهب فعل والتاء تدي فاعل لا التأنيث هنا علامات التأنيث ما معنى هذا يا عبد الكريم كيف veut dire ça quand je dis ذهبت علامات التأنيث c'est un signe féminin bien sûr mais qu'est-ce on attend quoi de ça ça veut dire qu'il y a un sujet féminin voilà ça veut dire que le sujet sera féminin automatiquement ne dis pas ذهبت زيدون خطأ مفهوم هذا tout le monde a compris également On avait ramené une faïda par rapport au tatanith. Daoud. Là, à part ça. On sait que le damir ici, il est non présent. C'est srahiya. Et que tanith, c'est le sujet. C'est mufta. Comment? Non. Le fait de savoir tatanith, de mettre tatanith ici, ça nous permet de savoir quoi? Ahsan, barakallahu fik. On sait quoi? Min alamat al-fi'l al-madi. Hein? Apprenez ça, hein? Parce que comme je vous ai dit, bientôt on va rentrer dans le mudhari'. At-ta'anith khas bil fi'l al-madi. Dans le mudhari', il n'y a pas, par exemple, tu diras Zainabu tadhabat. La khata hada. Le fou mada, tu diras quoi? Tadhabu. C'est compris? At-ta'anith min alamat al fi'l al-madi. Le fou mada, Inch'Allah? Taïb. Al-damir mustatir yusawi mada? Hiya. Dhahabna dhahaba yusawi fi'l. زيد النا الفاعل طيب ذهبت ذهب يساوي الفعل زيد التاء الفاعل ذهبت ici ta c'est qui Othman un garçon une fille des garçons ou des filles un garçon أحسنت طيب ذهبتم ذهب فعل تو فاعل والميم علامات الجمع مفهوم هنا le ميم c'est le signe de quoi de pluriel بارك الله فيكم ذهبتي ذهب فعل وتي فاعل طيب à pas confondre avec quoi ici Mahdi قالت المرأة قالت الطالبة ذهبتي il y a une différence أنت ذهبتي للمستشفى je dis قالت البنت les ti là il y a deux ti t'as vu t'entends c'est différent c'est la même chose ouais c'est différent vas-y explique-le D'accord, une seconde. Je répète. Anti, dhahabti. Taïb ? T'as compris ? Qalati al-bintu. Qalati al-bintu. Les deux, il y a un ti. Est-ce qu'il y a une différence ? Binti, hein ? Tu révises, Mahdi. Hein. C'est ça, ça. Ah non, c'est un peu. Si tu... C'est pas plus clair que ça, Benin. Dans lequel même si je répète pas, c'est dans lequel la règle du secoun là où c'est frère la lettre du secoun c'est possible que c'est un sujet qui vient après par exemple parce que ça par exemple tu dis qulti awanti dhabti là ce sera fa'al automatiquement Mais faut. Mais quand je dis par exemple, dit qalati al bintu. Ici, là, on a dit quoi? C'est pour faire la liaison. La liaison, parce qu'il y a quoi? Deux secondes qui se sont rencontrés. Mais faut. C'est-à-dire al bintu, on a dit quoi? Fa'al. T'as vu, Inch'Allah? C'est compris ça, Mahdi? Pas bien. Enfin, un cours khas. T'as vu. C'est quoi que t'as pas compris? Mais l'exercice là, tu as compris. طيب. طيب ذهبتن ذهب فعل زائد تو. طيب يساوي فاعل. طيب. والنا علامات الجمع. عليكم السلام. مفهوم هذا؟ Ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi ça? ذهبتم. C'est vrai ou non? Vous avez compris ça ou non? ذهبتم et ذهبتن. Le mime علامات الجمع. والنا علامات الجمع. Mais la différence c'est quoi? الميم علامات الجمع للمن للمذكر. C'est le pluriel pour les garçons. أما النا le pluriel des femmes féminines. Très bien. بارك الله فيك مالي. ذهبت ذهب c'est le verbe et tout c'est le فاعل. ذهبنا ذهب فعل والنا فاعل. طيب إن شاء الله. Je pense que tout le monde a compris ce tableau là. Tu comprends Daoud? Bien. Mahdi, bien compris. Wahabi, tout le monde a compris, inshallah, le verbe dahaba au mardi. Taïb. Kharaj, taïb. Ad-dars al-rabi'a, leçon 4. Ayyen al-fa'al fi mayani. Ayyen, même ana ayyen, ya Abdullah. Ayyena. Désigné. Taïb. Ayyena, désigné un peu. Taïb. Non, fadda. Parce que le duel il l'a laissé dans la leçon 31. Ah. Tu vois? Non, il n'y a pas de mal dans la leçon. Moi, c'est moi qui vous l'a donné en complément. Mais sinon, celui qui veut voir. On a vu en plus le duel. Antuma, Kharashtuma. Mais celui qui veut le tableau, il regarde la leçon 31. Voilà. Normalement, c'est pas ça. Ou la leçon 30. Voilà. Il y a un tableau là. À la maison, vous regarderez le tableau. Il y a un duel. Il parle du Muthanna. طيب بسم الله هنا عين الفعل فيما يصير يقول كويت دي ديزين لو سوجي دون سكي سوي خرجت اين الفعل تو طيب جلسنا طيب سي سي بوسيبل vous me dites فاعل مذكر جمع مفرد غائب كما ça moi طيب سمعتي si tu peux le dire en arabe dis-le en arabe si tu veux pas il y a pas de... Ahsant Mukhatab Non, il manque quelque chose. Mufrad. Voilà, singulier. Sharibtunna Situnna. Là, tu Wanna alamat al-jam' mu'annath. Barakallahu fik. Le tu c'est le fa'al et le na c'est quoi? Signe pluriel féminin. Dakhalu Le wa ou le fa'al. Fa'al jam' mudakkar. Non. Louawa, pluriel, mudakar. Et raïb, mukhatab, ou mutakallim. Raïb. Raïb, c'est non présent. Hafidna. Na. Fi'l na. Na, ouais. Et بعد Mouannes. Mouannes. Jam. Jam, c'est. Il va juste la langue. Raïb. Raïb, c'est. Barakallahu fik. Akaltum. Jam. C'est quoi le jam? Aïn le fa'al, il t'a demandé le fa'al. Tout. Le jam, le mim. C'est-à-dire, alamat le jam, dis pas le jam. Alamat le jam, mim. Mais quel jam? Mouadaka, Mouadaka, Ahsant. Mouhata. Mouhata, barakallahu fik. Tout, c'est le fa'al. Et le mim, alamat le jam. Naam. T'as vu, il a dit, Khatitna, il a dit, le nom, c'est. Fa'al. Moi, je sais, il a dit, Raïb. حفيدنا oh. النساء حفيدنا بارك الله فيك طيب فتحة فتحة فاعل ici c'est Damir Moustatir هو هو c'est بالغائب وذكر مفرد أحسن طيب الفعل Damir Moustatir هو غائب مفرد مذكر طيب singulier masculin non présent et sous-entendu fahimtunna fa'il tu jam' alamat al-jam' il y a son c'est sûr non c'est dire ghaib c'est dire sont pas là c'est dire toi par exemple si tu veux dire à des sœurs elles sont pas présentes tu dis ah non elles sont là ah ça barakallahu fik Fahimtunna, elles sont face à toi. Katabta. Dota, c'est Muzakar Mufrad. D'abord commence. Al-Fa'al. Fa'il Muzakar Mufrad. Mukhat. Ahsant. Ghassalat. Ta, c'est Mufrad Mouannes. Le Fa'al, il t'a demandé. L'exercice, c'est dis-nous, il est où le Fa'al. Fa'al, le Ta. C'est-à-dire le Ta, ouais, avec la Sukuna. Taïb. فعل ماضي غسل طيب سيدي بور تو ايلو السوجي ici là regarde le tableau tu vois le tableau qu'on vient de finir là Mahdi regarde bien retourne laisse que lui va tourner comme salam تعمل ما يلي tu t'en souviens regarde la troisième le troisième exemple dhahaba dhahabu et dhahabat lis ce qui est écrit lis toute la ligne Je t'ai dit l'exercice d'avant là. T'as amel mayali. Doucement, doucement, regarde. Dahaba, il t'a mis quoi? Dahaba. Tu me suis? Il t'a dit c'est égal à quoi? Non. J'ai pas écrit faal, c'est pas possible. Je te l'ai fait voir, hein. C'est pas possible. Taïb, dahaba. طيب فعل طيب سوي بلس التا يا كوا يا انت avec une seconde c'est vrai ou non il t'a dit c'est égal à quoi علامة تأتني كيف سأجير quoi علامة تأتني il t'a dit c'est un verbe c'est un sujet il y a une différence entre dire c'est le sujet et que c'est un signe de féminité Il y a une différence. Taïb, lis après qu'est-ce qu'il y a écrit Damir Moustatir, c'est égal à quoi il t'a dit Non, il est marqué, mais il y a quelque chose de mal écrit, non Si, c'est marqué. Si, c'est marqué, c'est Inch'Allah. Sois optimiste, regarde, c'est écrit. C'est pas marqué. C'est en dessous, les frères. Lisez une ligne. Fa'al. T'as compris, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire Damir Moustatir Fa'al. Il est là? Quand je dis Dahabat, il est pas là. C'est-à-dire le. Et toi, tout à l'heure, tu as dit Dahabat, le ta, c'est fa'al. C'est bon alors? C'est quoi le ta ici? Quand je te dis Aminatu Dahabat. Ouais. C'est quoi un ta ta'anith, Ahmed? Ta'anith. Il est où le sujet? C'est Ouais, mais il est où? C'est-à-dire non présent. Taïb. طيب اذا استي كوا غسلت التاء ici c'est ta ta'anith al fa'al ضمير مستتر هي طيب لاعب وهبي لا لاعب lui demande juste il est où le sujet al waw ahsant بارك الله فيك ici pour qui ce sujet là مذكر جمع احسنت مذكر masculin جمع pluriel غائب طيب non présent نعم on a dit c'est un harf qui s'écrit mais qui se prononce pas دخل الفاعل ضمير مستتر مفرد مذكر غائب très bien ضمير مستتر هو غائب مذكر مفرد ضربت مهدي Refais-le celui-là, Darabat. Il est où le sujet? Il est où le sujet? Moi, si je te dis il est où Mecca, tu me dis par exemple, c'est une ville. Hein? C'est, voilà, Hiya. Ça veut dire quoi, Hiya? Raïb. Ahsan, barakallahu fik. Toi, concentre-toi sur les questions. Si je te dis il est où le sujet, ne me dis pas Hiya. Là, tu me dis Damir Moustatir, après tu me dis quoi Hiya. Mais faut Hakad. Sinon, Hiya, c'est bon. Mais au niveau de la réponse, si je dis Darabat Ain al Fa'al, tu me dis quoi Damir Moustatir, Hiya. Et c'est quoi le ta ici là, il y a un sukun C'est-à-dire Alamat Ta'anith. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, Alamat Ta'anith Féminité. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire ça. Parce qu'on a dit tout verbe a besoin d'un Fa'al. C'est-à-dire automatiquement, on attend quoi là Mais de quel type Féminin. Ah, t'as compris ça Tu vois Barakallah. C'est compris, Inch'Allah? Taïb. Minat Zamaïr. Là, il a mis une fatha là, Abdel Hamid. Minal Zamaïr. Qu'est-ce qui s'est passé là? Minat Zamaïr. Voilà, deux secondes. Hein? Ça aussi, si vous voulez. Hein? Comme Minallah, Minannas. Hein? Minat Zamaïr. Taïb. Là, si tu veux, entoure le, la fatha de Mina. Taïb. À la base, c'est quoi min? Le min ici, c'est quoi? Ils appellent ça tab'idiyya. Hein? C'est comme si tu dis akaltu min al-khobz. C'est-à-dire quoi? J'ai mangé du pain. C'est-à-dire, j'ai pas mangé le pain. Et là, il vous a dit quoi? Min al-dhamair al-muttasila. C'est-à-dire, il vous donne quoi? Des pronoms attachés. C'est pas tous. Vous avez compris ça? Hada min amin. Hein? Si je vous dis jao ikhwa min fransa, ça veut dire quoi ça? Certains frères de France, pas toute la France qui est venue. Hada ma'na. Vous avez compris? Hada ma'na ma'ani l'huruf. C'est très bon, les frères. Taïb? Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Taïb, minat dhamair al-muttasila. Al-muttasila, mada qu'unna, barakallahu fikoum. On a dit quoi? Qui se souvient? Attaché, naam. On avait donné une ta'arif, maïa. Elle a dit, la yubda bi l'kalam, wa la yaqa ba'da illa. Tu ne peux pas dire, par exemple, dahab, et plus loin, ta. Ou ta, dahab. Mais faut, mada? On l'a déjà parlé, on répète. Ma'ana muttasila, c'est quoi? C'est les pronoms attachés. Tu ne peux pas commencer à parler avec. L'inverse de quoi? De ana. Ana muslimun. Mufum? Hada ma'ana muttasila. Atta kama fil dhahabta. Dhahabti. Dhahabtu. Dhahabtum. Et dhahabtun. Taïb? Et ces trois, ces cinq là que vous venez de voir, sachez quoi? Ils seront toujours fa'al. Mufum hada? Vous avez compris? Kama comme. Taïb. Al-waw kama fi dhahabu. Mufum? Tu peux pas dire dha et plus loin ou. Là. C'est pas de l'arabe ça. Ou tu dis ou, dhahab. Aw ma ra'aytu illa hu. Hakada hu. Mufum? Hada ma'na muttasila. Tu peux pas commencer à parler avec. Et la yaqa ba'da illa. Alors que des autres, elles m'ont facile là, tu dis maraitu illa anta. Taïb? C'est de mon facile là. Barakallahu fikoum. Wannoun kama fi dhahabna. Wanna kama fi dhahabna. Taïb, Inch'Allah? Ta'amul mayali. Grand 6 ça. Aina hamidun kharaja. Taïb. Sans regarder, on va le faire. Andek à Othman. Kharaja. Aina Hamidoun. Tu me dis Kharaja. C'est sous-entendu quoi? Il n'est pas là. Non, comment il n'est pas là? Je sais qu'il n'est pas là si je me dis Kharaja. Mais c'est sous-entendu quoi? On a dit quoi? Tout verbe, il lui faut un? Un fa'al. Aina le fa'al Kharaja? Ouais. Houa. Taïb. Andek Mahdi. Regarde-moi. Si je te dis Aina Amina, dis-moi les sorties. Kharajat. Aina le fa'al. C'est qui le sujet? Hiya. Et hiya, c'est sous-entendu quoi? Non, hiya, non, c'est pas al-matani. C'est hiya ici, c'est le damir mustatir hiya. Ça sous-entendu qui? Amina. Très. C'est-à-dire ici, tu n'avais pas besoin de dire kharajat amina. Mais faut, ça vous allez voir plus tard, également, tu as le droit ici de supprimer quoi? Le sujet. Par exemple, tu le fais pas, tu aurais pu dire quoi? Kharajat aminatu. Tu peux répéter. Mais si je te dis Aina Amina, Kharajat. Tektafi bihad. Mais faut. Si je te dis Dahabta ila al-Majid, tu me dis Naam. Ou Ma Dahabtu. Pas besoin de dire Naam Dahabtu. D'ailleurs, on va juste lire le texte, on s'arrêtera, Inch'Allah. Ouais, toi, donne-moi. Il y a marqué, par exemple, dans le titre, l'exercice, dans l'avant-garde de l'exercice, il y a marqué Minat Dhamair al-Muttasil. Naam. Hua, c'est Damir Munfasil. Hua. Et Naam. C'est un Damir Munfasil, Naam. Et Hu, Kitab Hu, c'est un Damir Munfasil. Ça s'appelle aussi Damir Munfasil. Kitab Hu. Ouais. Ici, il est Munfasil. Il est Munfasil. Ouais, Kitab Hu. Ici, il est quoi ici? Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes noms en fait. En là, je prends. On avait dit quoi? Tu m'avais posé cette question, je t'ai répondu. Qui se souvient? J'avais dit quoi? Al-Dhamir al-Muttasila, ça peut être quoi? Marfou, Mansoub et Majrour. Tu te souviens ou non? Non, Darabtuka. Non. Combien il y a de Dhamir ici? Non, et le Kaf, c'est un Dhamir. Bah, c'est le Kaf, je sais pas. Non, mais il y a tout ici. Il y a Dhamir Raf et Dhamir Nasb. Ça, c'est un dars que vous n'avez pas étudié. Mais toi, tu me l'as posé, je t'ai répondu. Souviens-toi, c'est toi-même qui m'a posé cette question. Je t'ai dit, les dhamair, barakallahu fik, il peut être marfoua, mansoub et majrour. Quand est-ce? Fait dhamir al-muttasil. Darabtu. At-tahuna, mada? Dhamir. Muttasil, raf. Il y a nos dhamair, barakallahu fik, imma marfoua, imma mansoub, imma majrour. Toi, je te dis, darabtu ka. ماذا في هنا؟ في ضمير رفع وفي ضمير نصب الكاف هنا ضربتك مفهوم؟ هكذا أبخي كونش تجي هذا كتابه هنا ماذا؟ ضمير رفع؟ ما هي لا تشيل متصل إلي مرفوع؟ ما معنى مرفوع؟ لا بقول إلي مرفوع في مولي عرب أين كتابه؟ أيضا محمد هذا هو ici les majrour ah ouais t'as compris ou non ah, qu'est-ce que t'as pas compris non inchallah après il y a une gymnastique que j'ai pas encore c'est quoi t'as pas compris dis tout de suite non mais c'est par exemple il y a aucun dhamir là qui peut te faire un problème je prends par exemple le premier là vahabda ouais il est où le problème ouais muttasil c'est comme salam ouais toi tout ce que t'as appris là depuis le début là vahabda quelle place il a dans l'Iran le ta ici فاعل نعم ما معنى الفاعل سي هو الذي قام بالفعل سي سوي كان في لاكسيون هذا هو تاي كون جو دي اكلت التفاحه باغ اكزومبل سا سي كوا ان سا دير كان مفعول به اسم ظاهر باغ اكزومبل سي لو فرير بلاوي يمدي من اكل التفاح انا اكلتها طيب الضمير هنا الي كوا سي مرفوع وي انا اكلتها ها سي لو كومونس بارتو اكلتو وي اكل فعل فعل و تو فاعل سي موا كان مانجي جي مانجي كوا مرفوع الى الفاعل اللي توجور مرفوع سي اون لا دي و انا با دي سا الفاعل لو سوجي اللي توجور مرفوع سي اكست با ان سوجي منصوب و ان سوجي مجرور او كاو سي اون لا با دي جو ريبيت الفاعل دائما مرفوع طيب لو فرير داوود ما دي من اكل التفاح انا اكلتها Et ça parle de quoi, le ha? Ça revient à quoi? À te faire. Il a quelle place ici? Ouais. Mefulbi, le mefulbi, il est quoi? Majrour? Ah, il est mansoub. Et c'est un damir, madame Nasr. Il est muttasil. T'as compris là? Ah, oui. Et ça, il y a un dars spécial dans le 3B. Taïb, Inch'Allah, on lit. الدرس التاسع سي جوست دو لا ليكسيور طيب il est long le texte vous l'avez préparé un petit peu hein طيب vas-y bismillah vas-y دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط فقال لهم أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس ليلي سي موا كي ديغا داريتي قال عبد الله حضروا اليوم وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا للمدير très bien suivant ce qui est pas compris les frères dès maintenant vous en tournez et dès que le frère est fini comme ça après on n'a pas à revenir là, le temps le texte il est long tu étais compris là non Non, vite alors. C'est bon, vas-y. Hadaru est présent. Taïb. Ça veut dire quoi? Hadaru. Qala Abdullah, Hadaru l'yom. Ça veut dire Hadara, c'est le verbe être présent. Bismillah. Raja'a, on l'a jamais vu, Raja'a, c'est revenir. Les frères, on va lire vite, parce qu'après, si je traduis tout, là, il est 9h. Raja'a l'tullabu. Raja'a l'tullabu. Al-khamsa. الخمسة الخمسة بعد قليل بعد قليل بعد قليل فقال لهم المدرس فقال لهم المدرس إلى المدير ذهبتم يا ابنائي إلى المدير ذهبتم يا أبنائي Il faut quand vous lisez, il y a une intonation. قالوا نعم ذهبنا إليه. قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أم أسماءنا في القائمة. نعم أغتوى. طيب ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. القائمة on avait déjà traduit la liste. طيب. Au suivant. A voir où t'as. Répète, Afouane. Vas-y, excuse-moi. جلس المدرس وقال. وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي. قال طلاب. Pas طلاب. طلاب. نعم. قرأنا. قرأناه. قرأناه. قرأناه. C'est rien, c'est pas de mal, vas-y. Parce que là, il y a deux lettres un peu difficiles. Qaf ou Ra. Voilà. Très bien. Très bien. Naam, qara'nahu. Wa katabnahu wa hafidnahu. Barakallahu fi, continue. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu. Très bien. Afahimtumuhu. Qalu, naam. Fahimnahu. Très bien, continue. Fahimnahu jayidan. Ma ashala hada dars. Ça, on le verra, inshallah, c'est quoi? L'exclamation. Ma ashala hada dars. Qu'est-ce qu'elle est facile, cette leçon? Ma ajmala, ou ma, par exemple, ma ajmala hadil bunt il akhir. Qala Abdurrahman. J'enchaîne? Ouais. Qala Abdurrahman. Ana ma fahimtu fihi. ثلاث كلمات قال المدرس ما هي قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة عاد جدي من الخرطوم très bien عاد جدي من خرطوم خرطوم c'est la capitale de du Soudan طيب فما معنى هذه الكلمات الثلاث قال المدرس عاد Vous avez compris? Ada, ma'ana, raja'a. C'est-à-dire, c'est la même chose. Raja'a, revenir. Al-Jad, grand-père. Le grand-père, il est du côté de la mère et du côté du père, comme vous le savez. Qui est un pays musulman. Taïb. Soudan. كتابه وقرأ درسا جديدا دسمه ثم فتح المدرس كتابه داود عند كوبي بانا بارول كما والله ثم فتح المدرس كتابه وقرأ درسا جديدا tout le monde peut faire des erreurs le frère طيب il a dit quoi qu'est-ce qu'il a dit C'était bon? Je demande si c'était bon de dire qara'a. Comment c'était bon? Il a dit qara'a. Qara'a, c'est bon? Bah, c'est mardi. Qara'a. Comment on dit partir? Ça. Dahaba. Wa qara'a darsan jadidan. Tfaddal ya Uthman, barakallahu fik. Khalaqa Allahu al-shamsa wal-qamara wal-nujuma wal-arda wal-bihara wa khalaqa kulla shay'in. Arrête-toi là. Il y a un point. طيب خلق الله الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار طيب وخلق كل شيء tout ça c'est compris inchallah al qamar on l'a vu hein shams qamar an nujum wal ard wal bihar ma معنى bihar ya abd al majid abd al hamid le pluriel de la mer continue وخلق الانسان وخلق الانسان من تين لا طين voilà تين c'est quoi La figue, là, avec le ta, ta c'est la, là c'est l'argile. Voilà, mais si c'est tin, c'est la figue. Thumma. Mardi, toujours, il ne peut pas dire côté, vous n'avez pas étudié le, ce temps-là. Voilà. Ala sabura, tu vois. C'est bon, ça Très bien. ثم قام وكتب هذا الدرس على سبورتي Au suivant. Ma'ana turab, il dit la terre mélangée avec de l'eau. Hada ma'ana at-tin. Tayeb. Wa rafa'a Faisal yada. Ouais, c'est quand je veux. Attends, pourquoi il y a quoi? Faqala lahu. Non, non. Faqala lahu al-mudarrisu. A'indaka su'al ya Faisal? A'indaka su'alun ya Faisal? A'indaka su'alun ya Faisal? Qala Faisal na'am, 'indi su'al. Al-Bihar. Al-Bihar. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Hamzat l'istifham, elle est rentrée dans quoi? Dans, dans Hamzat l'Ouas, ça fait quoi? Al-Bihar. Sinon, si par exemple, pour que vous compreniez, c'était quoi? Al-Bihar. Vous avez compris là? À la base, c'était ça. C'est pour ça, regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? Une sorte de vague. Ma'ana, une prolongation. Al-Bihar. Regardez quoi? Jam' al-Bahr. Mefoumada? Vous avez compris là, c'est quoi cette prolongation? Had. Et ça, normalement, Afwan, tu le sens même quand tu parles. C'est pour ça que même dans la langue arabe, il y a une manière de parler. Tu dis pas Al-Bihar comme ça. Là, il faut qu'on sent. Qu'est-ce qu'il faut qu'on on doit sentir quand on fait ça, normalement, Yaiman? Ouais, mais quoi? On sent qu'il y a de l'interrogation. C'est faux? Had. Par exemple, tu dis Ma ajmala hadi siyara. C'est-à-dire quoi? De l'exclamation. T'es émerveillé. Mais je viens d'image malade ici. Alors on dirait c'est quoi? De l'interrogation. Au fond? T'as été fadal. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu na'am. Huwa kadhalika qama al-hasad wa qala ya'qub. Ma jam'u al-sama. Wa qala. Wa qala. Na'am. Wa qala ma. Ma. Ma jam'u al-sama. Ya ustadhu. Qala al-mudarrisu. Jam'u al-samawad. Samawad. Al-samawad. Thumma sa'ala al-mudarrisu. ثم سأل المدرس الطلاب عدة أسئلة. من خلقك من خلق يا إبراهيم؟ من خلقك يا إبراهيم؟ نعم. لا نستطيع الله حافظ. من خلقك يا إبراهيم؟ طيب. لا كم سي مو بار مو سي بون شاكين في ها. أبخي؟ خلقني الله. Très bien. من خلقكم يا أبناء؟ خلقني نعم من خلقني يا عباس خلقك الله من خلق الشمس يا عبد الله خلقها الله من ومن خلق القمر يا عبد الله عبد الرحمن خلق الله خلقه خلقه الله تصيغ خلقه الله ومن خلق النجوم يا احمد خلقها الله رياضي ها ici. Pour le frère Wahbi. Ici, ha. Il peut être marfou. C'est un damir raf. Par rapport à ce que tu as vu là. Le ha, il sera mansoub. Mansoub ou majrour. Kitab ou ha. Ou khalaqaha. Amma le ha, hakada. Il ne peut pas être fa'al ici. Parce que ça c'est quoi? Dhamir muttasil nasb. Khalaqa Allahu. C'est-à-dire même si par exemple il y a un peu de faiblesse dans le nahou, si tu vois cette phrase là, tu sais automatiquement si tu as bien appris un peu tes pronoms que ce dhamir là il est mansoub ou majrour. Et le majrour il rentre pas dans le verbe. Souvenez-vous ça, on l'a fait dans le 1. Que la kasra rentrait pas dans quoi? Dans le verbe, je ne dis pas qu'un khalaqihi, kada. Vous comprenez? Khalaqaha Allahu. Barakallahu fikum. Au suivant. Ya ustad, indi su'al. Sakin. C'est déjà toi? Ah, c'est Wahbi. Ah, c'est toi? C'est vite, machin. Ya ustad, indi su'al. Laissat la'ilaqatun. Cette phrase, elle est pas mal. Si vous voulez l'apprendre, il dit Ya ustad, indi su'al. Laissat la'ilaqatun bidars. C'est comme si tu étais devant un cheikh, tu dis Yashir indi su'al, laissat lahu ilaqa bid-dars. Maana, j'ai une question, mais qui n'a pas quoi de rapport avec ou de lien avec la leçon. Me fom? Des phrases comme ça intéressantes, apprenez-les par cœur. Me fom hada? Vous avez compris, Inch'Allah? j'ai une question qui n'a pas de lien avec la leçon. C'est comme si là, par exemple, Abdelrahman, il dit soit laissez la alaqa bi dars. Maana quoi ? Question qui est en dehors du, de la leçon. Allez, Inch'Allah. Au suivant. Continue. قرأت في كتاب أن النجوم أن في quoi comme travail أمان أن في travail de Inna أن النجوم أبعد الصحيح هذا نعم هذا صحيح مما خلق الله مما خلق الله الإنسان مما خلق الله الإنسان يا عثمان يا عثمان خلق الله الإنسان من طين أحسنت يا عثمان ومما خلق الله الجان le plural de djinn. Et ça, il faut y croire, les frères. Hein. Sachez que les kofars, pour eux, ils ne comprennent pas ça. Combien de frères, malheureusement, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques en France, ils pensent qu'ils sont malades mentales. Alors qu'ils sont même sauces, les pauvres. Il faut. On leur fait des radios, ils disent non, il n'a rien, hein, votre fils. Alors que lui, il est quoi? Il est même sauce. Et ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Ils sont dans la rafia. C'est un monde qui existe. Non. Faudal. يا أبا بكرين خلق الله الجان من نار نعم كيف عرفت ذلك يا أبا بكر وزي ما نعم تلغلي وغلي يا بونك شلاليز بيان كيف عرفت ذلك يا أبا بكر نعم عرفت ذلك من القرآن الكريم من القرآن من القرآن نعم طيب من القرآن الكريم فجاء في سورتي في سورتي في سورة الأعراف نعم أن إبليس قال الله قال لله قال لله أنا جاب إسبيكي سا كون فو فوي كوم سا اللام سي لله ها وزي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين نعم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ابن قيم يغمن كوا كم فايدة كل طين ميو كلا تير سبحان الله لا غير نسي ستون il a ramené la, les bienfaits de la, à l'argile au feu. Car Iblis ici, il a voulu dire qu'il était mieux que Adam, le fait qu'il soit créé de feu. Le suivant. أحسنت يا أبا بكر كم سماء خلق كم سماء خلق سماء سي التمييز لا بيو سا كم سماء خلق الله كم سماء خلق الله يا عبد الله خلق الله سبع سماوات وفي كل يوم خلق الله سماوات والأرض يا عبد الرحمن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام هذا صحيح قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق سبع سماوات فقال في سورة في سورة الطلاق الطلاق نعم ديفورس الله الذي خلق سبع سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فقال في سورة في سورة الحديد هو الحديد نعم وشبا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في هذه اللحظة رن الجرس الجرس الجرس وخرج المدرس من الفصل. خير. ما هو في هذه اللحظة يا اسم الله رنا سني الجرس لسونات وخرج المدرس من الفصل. إن شاء الله دما. نقرأ الدرس بارك الله فيكم.